Audiomatique. Pour amorcer la transmission 444 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet britannique Music, mené par Michael Paradinas. De son mini-album intitulé Brace Yourself et paru en 1998, nous entendions la pièce Losers March. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais 808 State d'assurer la continuité à Audiomatic. Yeah. Good morning, houseplants. Yes, it's wake-up time. Hey, y'all, wake up. Time to get up and go to work. Caffeine is not good for you, and I know it's so easy because I myself, in the old days, used to drink, I was up to 63, 64 cups a day. I'm passing and running, so you all better get right at this time, 'cause it might be no next time, y'all. Audiomatic, c'était nul autre que la formation new-yorkaise Beastie Boys, de qui on entendait la pièce Futterman's Rule, qui est extraite de son quatrième album intitulé Ill Communication, qui est paru en 1994. Précédemment aux Beastie Boys, il s'agissait de l'artiste canadien Eric San, mieux connu sous son pseudonyme Kid Koala, de son premier album studio Carpal Tunnel Syndrome, lancé en 2000. Nous vous avons présenté sa pièce « Music for Morning People ». Et pour débuter ce segment musical, nous avions droit au groupe britannique 808 State qui nous offrait la pièce « Banachek » que l'on peut retrouver sur son cinquième album « Don Solaris » sorti en 1996. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais « Red Lorry, Yellow Lorry ». Thank you. never is a way without a why. Do we return after we die? Is life a circle? Are we hurtled headfirst into space? Will we wind up as the bunch of grapes that makes the wine that Christ exchanged for water? Are we blood? Are we lime? Do you live? We need a sign. Is anybody there? Are you listening? Are you listening? No chance. And still the statues cry, the queen bee flies, we try our damnedest to explain the reasons why and how and when and where. We're getting nowhere. If we exist, are you listening? Are you listening? Are you listening? Are you listening? Are you listening? Are you listening? No space, no time, no space. Il s'agissait à Audiomatic de la formation anglaise Cranes, du single pour la chanson Shining Road lancée en 1994, nous entendions la chanson September. Précédemment à Cranes, nous avions droit au groupe The Legendary Pink Dots de son album Shadow Weaver, paru en 1992. Nous vous avons présenté la chanson Zero Zero. Et en premier lieu, c'était la formation britannique Red Lorry, Yellow Lorry et sa composition Mescal Dance, tirée de son deuxième album Paint Your Wagon, sorti en 1986. Pour la suite d'Audiomatic, nous vous proposons la musique de John Cale, interprétée par Bauhaus. To gossip, gossip and complaints. They came from next door. Chatter from all sorts of all sorts of untidy. the dangers of parted runs with their game. Never would be invited to a hero who's got in. But their choice on the secret battle, they got swollen breasts and lips that cutter. And the choice of matter in the scream of chatter is just a little parasitic scream of whores. Wow! Screaming whores! Wow! In the rose garden. Wow! Sores! Virgin Mary was tired, so tired of listening to gossip, gossip and complaints in the Rose Garden. Rose Garden. Rose Garden. Funeral of sores. Thank you. playing, playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Thank you. Nous avions droit à Audiomatique à la formation française Celluloid qui nous interprétait la chanson L'air, qui est en fait une reprise de la pièce Luft du groupe suédois Sista Manen Pa Juden. Cette reprise est parue sur l'album Naftalin LP de Celluloid en 2007. Tout juste avant, c'était le groupe anglais Portishead, de qui on entendait la chanson Glory Box Mud Flap Mix, que l'on peut retrouver sur la compilation Glory Times, sortie en 1995 et qui regroupe les singles pour les chansons Glory Box et Sour Times. Et en amorce de séquence, nous retournions au 24 février 1982 à la salle de spectacle The Old Vic à Londres, où le groupe britannique Bauhaus présentait un concert pendant lequel il a interprété la chanson Rose Garden Funeral of Sores, composée originalement par John Cale, bien sûr un des fondateurs du Velvet Underground. Cette version en concert peut être entendue sur l'album de Bauhaus Press the Eject and Give Me the Tape, lancé en 1982. En conclusion de cette transmission 444 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe anglais New Order de son cinquième album Technique. Sorti en 1989, nous écouterons la chanson Dream Attack. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc New Order et la chanson Dream Attack. C'était Audiomatique avec les sonoristes. I can't live without you.